Exercice 1. J'ai une voisine portugaise. 1. Le chanteur est suédois. 2. Mon frère a une amie sud-africaine. 3. Eva est argentine. 4. La dame a un accent anglais. 5. Notre ami est chinois. 6. C'est une actrice cubaine.